dans ce manteau d'oubli. Qui suis-je? Les étoiles si fascinantes ont capté mon regard. C'est avec grand-peine que je perçois encore la présence des gardiens feuillus qui m'entourent. Je ferme les yeux. Le vent se lève. Il m'enlève et me porte toujours plus haut. La clairière s'éloigne et bientôt même la forêt n'est plus qu'un lointain souvenir. Mon présent côtoie les étoiles et vogue, porté par le vent solaire. Thank you.